بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، دونك مي فرير بيني ميك، الله عز وجل بينيس لي با كو فوز افي في فيغ سو ليو اي كيل فاس كو سيت اسيز سوت اون اسيز دو دواتور دو سيونس اوتيل اي بروفيتابل. Et une assise dans laquelle on invoque Allah Azza wa Jal, on lit sa parole, ainsi que celle de son prophète et messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on cherche à les comprendre à la lumière du Coran, de la Sunna et de la parole des savants de la Umma qui sont sur la droiture. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous apprenons une chose qui sera utile pour nous dans ce bas monde et dans l'au-delà, et qui nous fasse, et qui fasse que nous utilisions cette science à bon escient. Notre Seigneur et Créateur, le Tout-Haut, subhanahu wa ta'ala, nous a facilité et nous a permis, de par sa grâce, sa bonté et ses bienfaits sur nous, de clôturer ce qui nous a permis de réunir concernant son noble et beau nom, Al-Latif. Donc nous avons clôturé le sujet la semaine passée. Et Inch'Allah Azza wa Jal, si Allah nous le permet, nous entamerons de nouveaux noms parmi les noms d'Allah Azza wa Jal qui reflètent sa grandeur, sa beauté et sa perfection, subhanahu wa ta'ala. Et il va sans dire que l'une des choses les plus compliquées à faire, c'est de choisir quel nom aborder. Surtout que notre choix n'était pas d'aborder des noms de manière alphabétique. Donc de ce fait, il est assez compliqué de choisir. C'est assez compliqué de choisir du fait que les noms d'Allah Azza wa Jal sont tous merveilleux, beaux, intéressants à étudier, profitables à connaître. Donc voilà pourquoi, encore une fois, comme je vous avais dit la fois passée, l'ordre que nous citons, ce n'est pas un ordre spécialement voulu pour dire que ça c'est plus important que ça, ou ça c'est plus utile que ça, ce nom est plus noble que ce qui vient après. Non, ce n'est pas du tout ce qui est voulu. C'est juste que c'est une méthode parmi d'autres qui a bien sûr ses sagesses, mais ne fait pas partie de ses sagesses le fait de dire que ça, c'est les plus importants, les autres viennent en second plan. Avant de commencer, ou bien avant d'aborder ces quelques nouveaux noms d'Allah Azza wa Jal, j'aurais souhaité faire un petit rappel, bien sûr qui est en lien avec ces nouveaux noms. Quant à la perfection de notre Seigneur et Créateur, sa grandeur, sa beauté, sa majesté, subhanahu wa Azza wa Jal. Peut-être que ce sera un rappel utile pour chacun parmi nous, qui revivifiera en nous cette flamme qui a tendance à s'affaiblir et s'éteindre avec le temps, avec les péchés, avec les détournements de ce bas monde. Et c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que j'implore succès, rectitude et droiture dans ce qui va être dit. Nous sommes en train d'étudier les noms d'Allah azza wa jal, ainsi que ses attributs ou une partie de cela. Et le but, c'est de se préparer à la question ultime, à la grande question, la toute première question de l'autre monde. Qui est ton Seigneur ? En effet, la première question qui sera posée dans l'au-delà, c'est ça. Qui est ton Seigneur ? La toute première, la plus importante, celle qui prévaut sur toutes les autres questions. Qui est ton Seigneur ? Pour répondre à cette question, il faut que vraiment tu connaisses ton Seigneur dans ce bas monde. Il ne suffit pas de lire ou de mémoriser ou d'avoir des dizaines de livres qui parlent de cela, non. Il faut le connaître avec ses connaissances, certes. Il faut le connaître avec ton cœur. Et il faut que cette connaissance donne les fruits escomptés, les fruits attendus, les fruits espérés. Car en effet, la chose la plus importante que nous avons dans ce bas monde, c'est la connaissance d'Allah. La meilleure chose que tu peux faire dans ce bas monde, c'est connaître ton Seigneur. C'est mieux que toute autre chose, sans aucune exception. Plus tu le connais, mieux tu le connais, mieux tu seras en tant que serviteur. Plus tu seras sur le droit chemin, mieux tu œuvreras et plus loin tu seras des péchés et des perversions et des choses mauvaises et nuisibles. Connaître Allah Azza wa Jal, c'est la chose la plus importante dans ce bas monde. Tout ce qu'on voit autour de nous est censé nous rappeler notre Seigneur, nous faire connaître notre Seigneur. Tu vois la pluie, si tu réfléchis sur la pluie, tu reconnaîtras ton Seigneur. Tu tombes malade et tu guéris, tu es censé reconnaître ton Seigneur. Tu vois la naissance et tu vois les décès, et tu es censé reconnaître ton Seigneur. Il y a des signes. Toute chose qui existe dans ce bas monde, c'est un signe et une preuve qui parle de notre Seigneur, qui rappelle notre Seigneur. La vie, la mort, la santé, la maladie, la vieillesse, la jeunesse, les gains, les pertes, la joie, le bonheur, la tristesse, les épreuves, tout ça. Ça nous rappelle notre Seigneur et Créateur de tout, subhanahu wa azzawajal. Il faut juste bien réfléchir, bien penser, bien méditer avec une bonne base de départ. Le Coran, dans sa totalité, il ne tourne qu'autour du fait de citer notre Seigneur et de le décrire. Décrire ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. De l'écrire avec ses noms et ses attributs, avec ses actes, ce qu'il fait, que ce soit dans la prédestinée, que ce soit dans les bienfaits qu'il accorde à ses bons serviteurs, dans les châtiments qu'il accorde à ceux qui lui désobéissent, les bienfaits qu'il accorde, toute chose, tout le Coran ne parle que de ça. Certes, dans chaque fois, il y a des détails différents. Mais en vrai, tout le tout réuni, quand tu vois, tout renvoie vers notre Seigneur et Créateur, toi, Azzawajal. Et quand je parle de ça, je ne parle pas que des fins des versets, où Allah se décrit comme, il cite un verset à la fin, il dit, et c'est le tout miséricordieux, très miséricordieux. Bien, c'est l'omniscient, l'omnipotent. Non, ça certes, ça parle d'Allah, ça décrit Allah. Mais même les jugements de jurisprudence, ce qui est halal, ce qui est haram. Allah Azza wa Jal, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah ordonne, enjoint, prescrit l'adl, la justice, et l'ihsan, la bienfaisance. Ajib. Juste ça, subhanallah, Allah ordonne la justice et la bienfaisance. Ajib. Dans toute chose. Allah Azza wa Jal ne veut pas ne veut pas vous causer une gêne dans votre religion. Ma ja'ala alaykum fi d-din min haraj. Subhanallah. Il nous crée, il nous donne, il nous comble de ses bienfaits. Il nous ordonne juste de faire 5 prières par jour et laver quelques membres de notre corps. Et si jamais on est un peu malade, il nous facilite. Allez, vas-y, faites le tayammum. Allah ne veut pas vous mettre dans une gêne, dans une difficulté. Hajib. Quand tu vois ce qu'Allah a interdit, le prophète, alayhi salatu salam, lorsqu'il a appelé à l'islam, les gens disaient, mais qu'est-ce qu'il ordonne ce nouveau prophète, à quoi est-ce qu'il appelle? Les compagnons disaient, il appelle au tawhid, à l'adoration d'Allah. Il appelle au fait de préserver les liens de parenté, à nourrir les pauvres, à faire ci, subhanallah. Ils ont dit, regardez, quelles sont les prescriptions de l'islam. Donc, dans les jugements religieux, il y a des facilités, il y a des choses qui décrivent notre Seigneur. Allah Azza wa Jal a prescrit le jeûne. Kutiba alaykum siyam. Le jeûne vous a été prescrit. Justice. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. Donc c'est pas que nous, pauvres musulmans, qu'on a cette obligation qui est lourde. Non. Ceux qui nous ont précédés avaient cette obligation. Après, Allah Azza wa Jal a facilité. Faman kana ala safarin. Faman kana minkum maridan ou ala safarin. Si certains parmi vous étaient malades ou en voyage, alors qu'ils rattrapent d'autres jours, plus tard, quand ils pourront. Avec ça, vous voyez la grandeur de notre Seigneur, sa suprématie, ses attributs, des attributs de bonté, de beauté, de bienfaisance, subhanallah. Et ainsi de suite sur tous les jugements. Donc, la plus importante chose qui réside dans notre existence, la plus importante, la toute première chose au-dessus de tout, c'est connaître notre Seigneur. Plus tu le connais, mieux tu sauras. Moins tu le connais, moins bien tu sauras. Ne voyez-vous pas que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a eu des gens qui ont voulu adorer Allah avec une façon différente que la sienne, alayhi salatu wasalam, Comment est-ce qu'il les a répliqués? Comment est-ce qu'il a rétorqué? Il a dit « Ana a'lamukum billah ». Je suis celui qui connaît le plus et le mieux que n'importe qui, Allah. « Wa atqakum lahu ». Je suis celui qui le craint et qui l'obéit plus et mieux que n'importe qui. Donc l'argument premier, je suis celui qui connaît le plus et le mieux notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et avec ça qu'il a été le meilleur des serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, la meilleure chose par laquelle tu peux remplir ta vie avec le bien, c'est connaître ton Seigneur. Et Allah Azza wa Jal a un certain nombre de noms et d'attributs. Parlons des attributs, ça parle mieux. Allah Azza wa Jal a un certain nombre d'attributs. Parmi ces attributs, il a les attributs de grandeur, de suprématie, de majesté. C'est Allah. Le seul qui a le droit de s'appeler Allah, c'est Allah. La véritable divinité, la vraie divinité, le Dieu, Allah. C'est Ar-Rabb, le Seigneur des mondes, le Seigneur de toutes choses. C'est le roi des rois, c'est le possesseur suprême, c'est le juge suprême. C'est la grandeur qui n'a pas d'égal. Avec cela, Allah Azza wa Jal a comme attribut les attributs de force, de capacité, de grandeur et de triomphe. Allah Azza wa Jal a la force de faire tout ce qu'il veut, a la capacité de faire tout ce qu'il veut. Rien ne lui empêche rien. Rien ni personne ne peut rien l'empêcher de faire. Tout ce qu'il veut faire, il le fait. Il veut anéantir une ville, il l'anéantit. Il veut engloutir une ville, fait engloutir, il veut qu'une ville, un village tout entier monte jusqu'au ciel, après il retombe la tête en premier, il peut le faire et il l'a fait. S'il veut faire sortir l'eau des rochers, il l'a fait sortir. S'il veut donner la vie après la mort, il la redonne. Tout ce qu'il veut le faire, il le fait. Et rien et personne ne peut l'empêcher. C'est le Seigneur suprême qui a les attributs de grandeur, de majesté, de suprématie. Et il a avec cela tous les attributs de force, de capacité et de suprématie, subhanahu wa ta'ala. Et avec cela, il a les attributs de bienfaisance, de bonté. De bienfaisance et de bonté. Tout ce que tout autre lui a comme bienfait vient de lui, subhanahu wa ta'ala. وَمَا بِكُمْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Il n'y a aucun bienfait que vous n'avez sans qu'il ne vienne d'Allah. Tous les bienfaits que vous avez proviennent d'Allah. Tout, tout ce que vous voulez imaginer. Ce qui est apparent, inapparent, ce qui est, si on veut dire, spirituel, ou ce qui est de la vie d'ici-bas, ou ce qui est, tout ce que tu as, tout ce que tu as, vient d'Allah. C'est quoi ? C'est des dons, des grâces, des bontés, des eaux, naam, des bontés d'Allah Azza wa Jal, qu'il t'accorde. Et on ne parle pas à ce que tu les mérites ou pas, à ce que, non, juste Allah donne, te comble, te couvre. On baigne tous dans les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et je ne vais pas dire devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas, plus que cela. Avec cela, ce noble Seigneur, il n'a besoin de rien et de personne. C'est le Qayyum, c'est As-Samad, c'est Al-Wahid, Al-Ahad, c'est Allah. Il n'a besoin de rien et de personne, et rien ni personne ne peut lui rajouter un plus, et rien ni personne ne peut lui causer un moins de quelque façon qu'il soit. Ni les pieux serviteurs peuvent lui rajouter quelque chose dans son royaume, dans sa royauté, dans sa grandeur, ni les plus pervers et les plus mécréants des mécréants ne peuvent lui ôter, lui enlever, lui diminuer la moindre des choses qu'il a. Ni une goutte, ni même pas une goutte. Allah Azza wa Jal n'a que faire de l'adoration de celui qu'il adore et n'est point affecté par les péchés, la perversité et la mécréance de ceux qui accomplissent cela. C'est important que vous me suiviez dans ces éléments et que vous les gardiez présents en tête. Allah Azza wa Jal a créé les djinns et l'être humain pour une seule et unique raison, pour une sagesse, pour qu'il l'adore. Pour qu'il l'adore, ça veut dire pour qu'il soit obéissant envers lui, pour qu'il l'obéisse, pour qu'ils accomplissent ce qu'il les ordonne, ce qu'il leur ordonne, et pour qu'ils s'abstiennent de ce qu'il leur interdit. C'est ça l'adoration. Le plus grand ordre d'Allah, le plus important des ordres d'Allah, c'est le tawhid. Et le plus grave des interdits, c'est le shirk. Mais Allah Azza wa Jalla a ordonné d'autres choses autres que le tawhid. Et a interdit d'autres choses autres que le shirk. Et Allah Azza wa Jalla a créé les djinns et les humains pour cela, pour qu'il l'adore, pour qu'il lui obéisse, pour qu'il se soumette à lui, subhanahu wa ta'ala. Et avec cela, Allah Azza wa Jal a annoncé la bonne promesse à ceux qui se conforment, se soumettent, et a mis en garde contre la mauvaise promesse, la promesse de châtiment, pour celui qui se détourne des ordres d'Allah Azza wa Jal. Il a établi pour cela des preuves, des arguments, des signes, plein, pas un, pas deux, pas dix, le Coran tout entier. Allah Azza wa Jal a envoyé des prophètes et des messagers. Il a envoyé avec eux des livres divins. Et avec les messagers, Allah Azza wa Jal a envoyé également la révélation à ses prophètes et messagers. Ces prophètes et messagers, lorsqu'ils disaient des paroles de leurs propos, c'était une révélation venant d'Allah Azza wa Jal. Avec cela, autour de nous, tout ce qu'on voit, tout ce qui s'est passé sur terre, tout ce qui se passe, tout ce qui se passera dans le futur, tout ça, c'est des signes d'Allah qui ont pour but, entre autres, de donner la bonne promesse, la promesse de la bonne récompense à ceux qui se conforment aux enseignements d'Allah et à mettre en garde ceux qui se rebellent contre les enseignements d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a donné le succès, et la réussite à ses prophètes, et ses messagers, aux croyants de toutes les époques. Et à l'opposé, il a fait subir des châtiments, des châtiments à ceux qui se sont opposés à lui, à ses prophètes et à ses messagers. Alayhim salatu wassalam. Donc tout ça, c'est des signes pour les êtres humains. Si vous vous mettez sur le droit chemin, voilà ce qui vous attend. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Si vous déviez dans d'autres sentiers, voilà ce que vous pouvez vivre dans ce bas monde et voilà ce qui vous attend dans notre monde. À vous de choisir. Allah Azza wa Jal est parfait dans ses attributs, dans sa personne, subhanahu Azza wa Jal. Vous voyez, l'être humain, des fois, il peut avoir des attributs de perfection. La science, une personne peut être un grand savant, masha'Allah. Avoir beaucoup de science, il peut même être encyclopédique. Mais il peut avoir un comportement qui n'est pas les meilleurs des comportements. Il peut être lâche, pas courageux. Allah Azza wa Jal peut faire que sur terre, il y a des gens qui ont un très bon comportement, qui ne font pas le haram et tout. Mais ils peuvent être avares avec sa famille, avec l'argent. Et ainsi de suite. Dans la création d'Allah, il y a des choses ou des personnes qui ont de bons attributs, de très beaux attributs. Mais ils n'atteignent pas le sommet de la perfection de ces attributs. Et en plus, ils peuvent avoir des défaillances multiples et diverses et variées dans d'autres domaines. Allah Azza wa Jal n'est pas pareil. Allah est au-dessus de cela. Allah a réuni tous les attributs de perfection. Et en plus, à la perfection. Et parmi cela, en se rappelant ce que j'ai cité en premier, Allah Azza wa Jal les décrit a pour attribut le fait qu'il pardonne, qu'il efface les péchés et qu'il accepte le repentir de celui qui se repentit. Et je dis ça juste après avoir dit qu'Allah nous a créés pour lui obéir. Et avec ça, Allah Azza wa Jal a les attributs de pardon. Les attributs de pardon. Pourquoi ? Parce que Allah Azza wa Jal a choisi de créer l'être humain et les djinns tels que ils vont faire des péchés. Allah Azza wa Jal a voulu créer une création qui ne lui désobéit point. Il l'a fait. Il a créé les anges. Ils ne clignent pas des yeux s'ils n'ont pas un ordre d'Allah qui leur permet cela. Lorsqu'Allah leur donne un ordre, ils ne cherchent pas à comprendre rien du tout. Là, le bien, c'est d'obéir à Allah. Ils obéissent à Allah. Et c'est une perfection à leur niveau d'obéir parfaitement. Il y a des anges qui depuis tout le temps, ils sont prosternés. D'autres, depuis tout le temps, ils sont en inclinaison. Et c'est pour cela qu'on ne doit penser que du bien des anges du châtiment. Des anges qui sont les gardes de l'enfer. Ou bien les anges qui appliquent le châtiment des gens dans la tombe. Pourquoi ? Parce que c'est Allah qui leur a ordonné. Eux, peut-être nobles, comme ils sont et purs comme ils sont, si ça aurait été mis à leur disposition, peut-être qu'ils n'auraient pas fait ça. Mais Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a décidé, c'est lui qui a décrété, c'est lui qui a jugé qu'un tel mérite le châtiment. Il ordonne à ses serviteurs obéissant les anges, ils appliquent ce qu'il leur ordonne. Et c'est la perfection de ses créations, de ses anges. Voilà, il ne faut pas penser du mal de ces nobles anges. Allah Azza wa Jalla a créé toute la création, hormis les djinns et les humains. Toute sa création est obéissante à Allah Azza wa Jalla. Elle ne lui désobéit point. À un moment donné, Allah Azza wa Jalla a créé les cieux et la terre. Il a ordonné aux cieux et la terre de venir obéissantes ou par de leur gré ou par force. Elles ont dit, nous obéissons et nous venons soumises à toi par gré. Pourquoi ? Parce que toute la création d'Allah obéit à Allah. Donc Allah, s'il aurait voulu créer l'être humain de façon à ce qu'il ne fasse pas des péchés, il aurait pu, sans l'ombre d'un doute. Mais il a choisi, il a voulu que l'être humain soit créé tel que nous sommes et qu'il fasse des erreurs et des péchés. Qu'il soit pris par la passion, par la flemme, par l'envie, par, et qui des fois, aussi noble soit-il, aussi pieux soit-il, il pêche. Et c'est pour cet être humain tel qu'il est, Allah Azza wa Jal a comme attribut les attributs de pardon. Et parmi ceux-là, Allah Azza wa Jal pardonne à ses serviteurs qui lui désobéissent, à quelque niveau qu'ils soient. Et parmi sa grandeur, sa beauté, sa majesté, la perfection de ses attributs, Allah Azza wa Jal a fait que sa bonté précède son châtiment et que sa miséricorde précède sa colère. C'est une grande bonté d'Allah Azza wa Jal. Ça veut dire quoi ? Que c'est une bonté d'Allah Azza wa Jal, que c'est une perfection d'Allah Azza wa Jal, que sa bienfaisance précède son châtiment. Parce que si Allah Azza wa Jal nous aurait châtiés pour le moindre des péchés ou le premier de nos péchés, qui resterait sur terre ? Dites-moi par Allah. وَلَوْ أَخَذَ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَةٍ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَةٍ هكذا. Si Allah Azza wa Jal nous aurait châtiés pour le moindre de nos péchés, il ne resterait personne sur terre. Mais Allah Azza wa Jal est clément et halim. Halim, les gens de science disent que cela veut dire que Allah Azza wa Jal voit la désobéissance de certains de ses serviteurs et il leur laisse le temps avant de les prendre par un châtiment. Au contraire, il leur laisse le temps, peut-être qu'ils vont se repentir, peut-être qu'ils vont regretter, peut-être qu'ils vont se mettre sur la droiture. Et en plus, il les aide en cela. Il leur envoie des signes, il leur envoie des rappels. Tu vas à la mosquée, tu entends un verset, tu te dis, wesh, cet imam, mais c'est ce que j'ai fait pour qu'il récite ce verset-là. Tu vas à un Jumu'ah, tu écoutes un cours, on t'envoie un rappel. Mais comment cette personne m'envoie un rappel sur la musique ? Est-ce qu'il sait que j'entends la musique ? Il m'envoie un rappel sur cela. Comment se fait-il ? Des fois, subhanallah, même dans ces cours-là, des fois, les frères, ils m'ont dit, Reda, ton cours parle sur moi. Ce n'est pas moi qui sais, qui choisis, c'est Allah qui veut. Allah veut qu'une personne entende une parole au bon moment, de la bonne façon. Et ça fait partie de sa clémence. Parce que Allah il ne veut pas le châtiment de ses serviteurs. Il ne veut pas la perdition de ses serviteurs. Il veut leur bien. Alors voilà pourquoi tu fais un péché, il te laisse le temps. Et il t'aide pour revenir. Et même parmi les aides d'Allah Azza wa Jal, les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur nous, c'est que même dans nos cœurs, des fois, on entend quelque chose ou on ressent quelque chose qui nous appelle à la foi. N'avez-vous jamais entendu ou ressenti ce quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit « Lève-toi pour faire la prière ». Jamais vous étiez assis ou occupé à faire quelque chose. Après, vous étiez « Ah, subhanallah, je vais faire l'istighfar. Je vais invoquer Allah. Je vais prendre le mushaf. Tu regardes un match, tu regardes un film, tu fais ce que tu fais. Tu dis « Attends, c'est un classe. J'ai plus goût à ça. Donne-moi le mushaf. » tu regardes les réseaux sociaux, tu passes de vidéo en vidéo, de vidéo en vidéo, de commentaire en commentaire. Tu n'as pas goût à ça. Donne-moi, mets-moi une récitation, mets-moi un shir, donne-moi quelque chose. Ce ressenti-là que tu sens qui te pousse vers ça, c'est Allah qui a mis un ange pour toi qui te rappelle le bien. Tout comme tu es un shaitan qui te pousse vers le mal, tu es également un ange qui te pousse vers le bien, qui te rappelle le bien, qui t'encourage vers le bien. Et ça fait partie de sa clémence, de sa bonté. Donc Allah Azza wa Jal a toujours été clément, miséricordieux et pardonneur. Et Allah Azza wa Jal veut que ses attributs apparaissent. Les anges ne font pas de péché, ne lui désobéissent pas. Et le reste de sa création ne lui désobéit pas, excepté les djinns et les humains. Alors Allah les a créés justement pour que, parmi les sagesses, pour qu'ils pêchent et pour qu'ils se repentent et demandent son pardon pour que lui leur pardonne. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith « Par celui, je jure par celui qui détient mon âme, si vous n'auriez pas commis de péché, Allah azza wa jal vous aurait enlevé de sur cette terre » et il aurait ramené d'autres gens qui auraient fait des péchés et qui auraient demandé le pardon d'Allah et qu'il leur aurait pardonné. Allah veut pardonner. C'est pour ça qu'il a fait que l'être humain faute. Mais Allah lui demande de revenir repentant et demandant le pardon. Si cela est fait, Allah pardonne. Mais il ne faut pas oublier, encore une fois, et c'est merveilleux, c'est sublime, c'est grandiose et plus. À tout moment, il faut toujours penser qu'Allah Azza wa Jalla est parfait dans ses noms et attributs. Il est parfait de manière à ce qu'il n'y ait pas de défaillance. Venez, je vous donne un exemple. Nous, êtres humains, pardonner pour nous, c'est une très belle qualité. Pardonner, ne pas tenir rigueur, et il t'a dit mauvaise parole, c'est rien, il n'y a pas mort d'homme. Et il t'a pris un peu d'argent, c'est une bonne qualité, pardonner, excuser. En soi, le principe, le fondement, il est bien. Mais est-ce qu'il est bien sans aucune condition? Est-ce qu'il est bien dans tous les cas, dans toutes les situations? Imagine, il te dit une parole, une mauvaise parole, tu dis « je te pardonne ». Ah, tu pardonnes, il monte en degré. Allez, vas-y, je te pardonne. Tu me pardonnes, il monte en degré. Jusqu'à ce qu'il arrive à l'impossible. Tu vas toujours lui pardonner. Tu pardonnes pour toi ton haqq. Malish, ça peut être une qualité. Mais il touche, ça fait mal. Il touche ta mère, il touche ton père. Tu vas pardonner aussi. Injustement, bien sûr, on parle de l'injustice. Il insulte ta mère, il traite ta mère, il traite ton père. Allez, je te pardonne. C'est une qualité, ça. Il malmène ton fils. Un enfant petit, mskin, comme nous on dit au bled, malaïka. C'est juste pour dire que c'est un enfant. Il le malmène, il le frappe, il insulte, il le brusque. Allez, je te pardonne. C'est une qualité, ça? Non. C'est pas une qualité. Pardonner, pardonner, pardonner, sans limite, sans condition, sans restriction, sans cadre, c'est une faiblesse. Parce que parmi les gens qui pardonnent, c'est ceux qui ne peuvent pas prendre leur haqq. C'est ceux qui ne peuvent pas réprimander. Ceux qui ont peur. Ceux qui craignent une répression à laquelle ils ne peuvent pas faire face. Écoute, lui, je le connais, c'est un méchant. Moi, je ne peux pas lui faire face, alors je pardonne. C'est un truand, c'est un gang. Je vais leur dire, ne me volez pas. Non, j'ai peur, après, ils vont faire un plus grand mal à moi, à ma famille. Allez, je ne sais pas, vous volez mon téléphone, vous volez ma voiture. Bismillah. Mais ce n'est pas un pardon voulu, c'est juste une faiblesse. Donc ça, ce n'est pas une qualité. Et Allah est le meilleur des exemples. Allah Azzawajal pardonne les erreurs et les péchés. Mais il ne fait pas ça à tout va, à tout le monde, sans aucune exception. Parce qu'Allah Azzawajal est noble, est majestueux. Allah est grand. Allah n'a que les attributs de beauté, de bonté, de perfection, de force. De supériorité, de suprématie. Et de ce fait, il pardonne alors qu'il aurait pu châtier, mais il ne pardonne qu'à celui qui mérite, dans le jugement d'Allah Azza wa Jal. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a établi des règles. Allah Azza wa Jal ne pardonne qu'à un certain type de personnes. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, selon la traduction approximative et rapprochée des sens sur le Coran, « Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une œuvre vertueuse. Cela, Allah remplace leurs mauvaises actions par de bonnes actions et Allah est pardonneur et miséricordieux. » N'a-t-il pas établi des conditions? « Sauf ceux qui croient. » accomplissent les œuvres vertueuses. Non, pardon, j'ai oublié le premier. Sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent les bonnes œuvres. Ceux-là, Allah leur pardonne. La preuve étant, Allah n'a pas pardonné aux hypocrites. Demande pardon pour eux ou ne demande pas pardon pour eux. Même si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera jamais. Cela parce qu'ils ont rejeté Allah et son messager et Allah ne guide pas les gens pervers. Les pervers, les mécréants. Le prophète Al-Sassam était très miséricordieux vis-à-vis de sa communauté musulmane, vis-à-vis de sa communauté. Il voulait le bien pour tout le monde. Il espérait le bien pour tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il demandait. Allah lui a dit, demande-leur le pardon 70 fois, je ne leur pardonnerai pas. Il a dit dans un hadith, si j'aurais su que si je leur demanderais le pardon plus de 70 fois, Allah leur pardonnerait, je l'aurais fait, j'aurais pardonné plus que 70 fois. Mais c'est Allah le juge, c'est Allah le Seigneur, c'est Allah le parfait dans ses noms et attributs. Allah Azza wa Jal, cela ne mérite pas le pardon d'Allah. Alors Allah ne leur pardonne pas. Donc Allah Azza wa Jal, dans son pardon, ce n'est pas le pardon d'un faible. Ce n'est pas le pardon d'une personne qui ne sait pas, qui ne distingue pas. Non, hacha, Allah est plus haut et au-dessus de tout cela. Allah pardonne avec majesté, avec grandeur, avec beauté, avec force, avec miséricorde et douceur. Donc, tout cela pourra arriver à la finalité, je m'excuse, je saute quelques passages, que l'être humain que nous sommes, Allah nous a créés pour l'adorer, pour lui obéir. Mais qui parmi nous peut être parfait dans cela? Personne, personne, strictement personne. Donc, que faire si jamais on venait à pécher, on trébuchait, on glissait, on faisait ce qu'on n'aurait pas dû faire? Allah Azza wa Jal est pardonneur. Il nous a créés pour nous accorder sa miséricorde. Alors il faut s'accrocher à cela. Et attention, il faut la mériter cette miséricorde. Donc il faut revenir repentant vers Allah. Il faut revenir avec le cœur meurtri de ce qu'on a. On a fait quoi? Rappelez-vous ce que j'ai cité au début du cours. Qui est Allah? Quels sont ses attributs? C'est le majestueux, c'est le seigneur des mondes, c'est celui qui triomphe de toutes choses, c'est lui qui peut faire ce qu'il veut. Et moi, moins que rien, je lui désobéis. Il me dit fais, je ne fais pas. Il me dit ne fais pas et je fais. Donc tu es meurtri dans ton cœur de qu'est-ce que j'ai pu faire? Comment j'ai pu faire? Où était ma raison? Où était ma foi? Comment j'ai pu? Et tu reviens repentant vers ton Seigneur. Avec cette crainte que tu sois de ceux à qui il n'accorde pas la miséricorde, mais avec espoir d'être parmi ceux qui ont été sélectionnés pour cela, ceux qui ont été élus pour cela. Et pour le mériter, tu dois œuvrer dans le bon sens. Et parmi les œuvres, revenir repentant vers lui et lui demander le pardon. Car si tu ne te repens pas de tes péchés, tu seras entre les mains d'Allah. Et tu dépendras de ce jugement. Il t'a dit, ne fais pas. Si tu fais, voilà ce qui t'attendra. Ce qui peut t'attendre, ça peut t'attendre. Oui, mais moi, je n'ai pas brûlé les mosquées. Moi, je n'ai pas tué les gens. Je n'ai pas volé l'argent des gens. J'ai juste fait ça, ici, et ça, ici. Ça, je n'ai pas fait. Ben, c'est obligatoire, mais bon. Parce que tu sais, nous sommes à une époque, des gens disent et tout. Et tu as fait ça, et quelle est ta position vis-à-vis de ton Seigneur par rapport à tes péchés? Mais je n'ai pas brûlé des mosquées, je n'ai pas tué des gens. La foi est dans le cœur. Allah sait comment je suis. Alhamdulillah, des fois, je donne des aumônes aux gens. Je nourris des pauvres qui ont faim. J'aide à construire des mosquées. Ne sais-tu pas qu'Allah Azza wa Jal a fait rentrer une femme en enfer à cause d'un chat? Elle a privé de nourriture et de manger, de nourriture et de boisson, jusqu'à ce qu'elle mourût, cette chatte. Allah a fait rentrer cette femme en enfer. Et on ne sait pas quels étaient ses actes. Hein. Ça n'a pas été cité. Est-ce qu'elle était, hormis ça, dans le droit chemin ou dans le mauvais? Ne sais-tu pas qu'Allah Azza wa Jal l'a châtié dans la tombe une femme qui jeûnait et qui faisait des prières nocturnes, sauf que elle créait la zizanie entre les gens. Comment on dit Namima? Elle faisait le colportage entre les gens. À cause de ça, elle était châtiée dans sa tombe, du vivant du prophète, alayhi salatu wassalam. Ne sais-tu pas que, encore une fois, du vivant du prophète, alayhi salatu wassalam, un homme qui était croyant, il a cru au prophète, alayhi salatu wassalam, donc c'était un compagnon. Il était jugé, il était châtié dans sa tombe parce qu'il ne se préservait pas lorsqu'il urinait, il ne se préservait pas des regards des gens et il ne se préservait pas son corps et, ses vêtements de l'impureté. Il négligeait cela. Alors il était châtié dans sa tombe. Il n'a pas tué des gens, il n'a pas brûlé des mosquées, il n'a pas apostasié. Sauf qu'il a fait ça. Allah a choisi, a décrété, a jugé qui ne leur accorde pas sa miséricorde sur ces points-là et qu'ils seront touchés par son châtiment. C'est vrai, en parallèle, qu'Allah Azzawajal a accordé sa miséricorde à d'autres personnes, comme celui qui viendra le jour de la résurrection avec 99 registres. Chacun de ces registres est à perte de vue et ces registres ne renfermaient que les mauvaises actions de cette personne. Et comme bonne action, il n'avait qu'une petite carte dans laquelle c'est écrit la ilaha illallah. Allah a choisi, Allah a décrété, Allah a choisi et décrété d'accorder à cette personne sa miséricorde. Et personne ne reprend Allah Azza wa Jal sur ses jugements. Et c'est vrai qu'Allah Azza wa Jal a accordé sa miséricorde à une autre personne qui a tué, qui a fait 100 meurtres, qui a commis 100 meurtres. Mais Allah a mis dans son cœur l'envie, le souhait, la sincérité, le souhait sincère et véridique de se repentir. Allah a accepté son repentir. Il a couvert de sa miséricorde. Il y a certes ces exemples qui nous parlent de la miséricorde d'Allah, mais il y a aussi des autres exemples qui nous parlent du châtiment d'Allah. Et si vous lisez le Coran, dans certains versets, Allah cite des jugements religieux, du fiqh. Par exemple, lorsqu'il cite les lois de l'héritage, il dit que ceux-ci sont les limites d'Allah, les frontières d'Allah. Celui qui les outrepasse, Allah Azza wa Jal le prendra d'un châtiment douloureux. Et ce n'est pas que dans ce domaine-là. Même dans d'autres domaines, Allah Azza wa Jal a dit la même chose. Tilka hududullah. Et toi, dans les péchés que tu fais, Est-ce que tu as la garantie que tu seras de ceux à qui Allah accordera le pardon? Ou est-ce que tu es susceptible d'être parmi les autres, qu'Allah Azzawajal n'accordera pas le pardon? Tu ne sauras jamais. Jamais tu pourras savoir. Voilà pourquoi tu dois adorer ton Seigneur dans cette vie. Par amour. Pourquoi? Parce que ce Seigneur est comme nous avons cité une toute petite description de lui. Il est parfait, il est majestueux, il est beau, il est... C'est Allah. C'est celui qui mérite à juste titre et pleinement d'être adoré. Parce qu'il a tous les attributs de perfection à la perfection. Et pas le moindre mal, le moindre défaut n'est en lui, élevé soit-il. Donc forcément tu dois l'aimer. Et tu dois espérer sa miséricorde. Et tu dois aussi équilibrer ton espoir par la crainte. Et si un des deux prend le dessus majoritairement, non pas dans des bonnes conditions, sache que c'est le début de l'égarement. Tu es trop dans l'espoir, et c'est quoi? C'est juste, j'ai pas payé le bus. C'est l'État, Malich. T'as oublié de payer, ou bien le caissier ou la caissière s'est trompé dans les calculs, il t'a pas fait payer un produit. C'est pas ma faute, c'est sa faute, c'est lui qui va payer. Ils ont une assurance, t'inquiète. Mais toi, ce que tu as pris, c'est ton haq de prendre ça. Et cette petite chose, est-ce que tu es sûr que cette petite chose, c'est pas elle qui va faire balancer la balance, qui va faire pencher la balance vers le mauvais côté? Ne sais-tu pas, ne te rappelles-tu pas que Yawm Qiyama, des fois, il y a des gens qui cherchent une seule et unique hasanat, une seule hasanat, pour espérer que la balance penche du bon côté. Ils vont chez leurs parents, chez une seule hasanat. Et bien sûr, personne ne l'accordera. Donc, le petit péché que tu dis, toi, c'est un petit péché. Sais-tu combien de petits péchés tu as? Combien de centaines de milliards tu as? Donc, tu ne sauras jamais. Alors, équilibre, espoir en Allah, parce qu'il s'est dit miséricordieux, pardonneur, clément. Il nous a enjoint, il nous a invité à espérer en lui. Et tu dois aussi le craindre. Parce que cette crainte, c'est le frein qui te préserve, qui t'empêchera d'aller trop loin. Et l'amour, c'est comme la tête de l'oiseau. L'espoir et la crainte, c'est comme les deux ailes de l'oiseau, de la foi. Je renouvelle mes excuses auprès de mes frères francophones du fait de ne pas avoir pu reproduire tout ce que j'ai dit en arabe. Mais j'espère que ce qui a été dit suffit. Et je reformule mes excuses à tous ceux qui sont présents pour ce cours. Pour la longueur de ce cours, qu'Allah Azza wa Jalla fasse que vous me pardonniez et qu'il fasse que ceci soit profitable pour chacun parmi nous. Hada wallahu a'lam wa jazakumullahu khayran wa baraka fikum wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.